إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شهر رمضان، نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن آداب قراءة القرآن. وقد تحدثنا في المجلس السابق عن النوع الثاني من أنواع قراءة القرآن، وهي القراءة الحكمية. هذا القرآن الذي بين أيدينا نتلوه ونسمعه ونستمع إليه ونحفظه ونكتبه هو كلام رب العالمين. Donc aujourd'hui, c'est la dixième assise, les assises du mois du Ramadan. Durant cette assise, nous allons parler des comportements à adopter lors de la lecture du Coran. Et avant de parler de ces comportements que se doit d'adopter celui qui lit le Coran pendant sa lecture, il est important de connaître la valeur de ce Coran. Le Coran que nous avons entre nos mains, que nous lisons, dont nous écoutons la lecture, ce Coran que nous apprenons par cœur et que nous écrivons, est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. C'est la parole du Seigneur des premiers et des derniers. C'est l'anse la plus solide. C'est le chemin droit. C'est le rappel béni. C'est la lumière manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a donc parlé et a dit ces paroles subhanahu wa ta'ala comme cela convient à sa majesté azza wa jal, car rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Allah azza wa jal parle, mais il ne parle pas comme ses serviteurs. Nous croyons qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a l'attribut de la parole. Mais sa parole ne ressemble en rien à la parole de ses créatures. Nous croyons en cela sans demander le comment. Sans demander le comment. Comme l'a dit l'imam Malik, rahimahullah, concernant l'élévation d'Allah Azza wa Jal, au-dessus de son trône, al-istiwa'u ma'loum wa al-imanu bihi wajib wa as-su'alu 'anhu bid'ah. De croire en l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de son trône est une obligation. Et sa signification est connue. Et il est interdit de se poser la question du comment. Allah Azza wa Jal a donc parlé. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette parole, il a inculqué en Jibril alayhi salam, qui est l'ange le plus rapproché d'Allah Azza wa Jal. Et Jibril alayhi salam l'a descendu sur le cœur de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, afin qu'il fasse partie des avertisseurs. Et ce Coran a été révélé en langue arabe manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit et a donné les caractéristiques de ce Coran, de nombreuses caractéristiques, de nombreux éloges, afin que nous prenions et afin que nous réalisions l'importance du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la place immense qu'il a dans sa noble religion et le respect énorme que doivent avoir les musulmans à l'égard du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De nombreux versets viennent nous montrer l'importance de ce Coran. Et lorsque nous prendrons conscience de l'importance de ce Coran, alors quand nous le lirons, eh bien, nous saurons que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse bel et bien à nous. Que nous lisons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela va nous amener à nous efforcer à en comprendre l'essence et à en appliquer les jugements qu'il contient. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال سبحانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال عز من قائل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وقال عز وجل وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وقال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال سبحانه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال عز وجل قل هو نبأ عظيم وقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال سبحانه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وقال سبحانه ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. فهذه الأوصاف العظيمة الكثيرة التي نقلناها وغيرها مما لم ننقله تدل كلها على عظمة هذا القرآن ووجوب تعظيمه والتأدب عند تلاوته والبعد حال قراءته عن الهزء واللعب. Donc nous allons citer un certain nombre de versets inshallah ta'ala afin de prendre conscience de l'importance de ce Coran et de voir comment Allah subhanahu wa ta'ala parle de son noble livre et les caractéristiques qu'il lui accorde. Allah Azza wa Jal dit dans le sens des versets, le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Et il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, voilà ce que nous te récitons des versets et du rappel sage. Et il dit Azza wa Jal dans le sens, ô vous les gens, certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Et il dit subhanah dans le sens, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire par le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il dit azzawajan dans le sens, ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait avant lui et l'exposé détaillé du livre, en quoi il n'y a pas de doute venu du Seigneur de l'univers. Et il dit, subhanah, dans le sens, ô vous les gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Et il dit Azza wa Jal, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Et il dit Azza wa Jal dans le sens des versets, c'est nous qui avons descendu le rappel, et c'est nous qui le protégeons. Et il dit Azza wa Jal dans le sens, et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une miséricorde et une bonne annonce aux musulmans. Et il dit, subhanah, dans le sens, dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et il dit, Azza wa Jal, dans le sens, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Et il dit Azza wa Jal dans le sens, ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Et il dit Azza wa Jal dans le sens, et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, c'est-à-dire avec le Coran. Cela ne leur convient pas et ils ne sauraient le faire. Et il dit Azza wa Jal dans le sens, ceci, c'est-à-dire le Coran, constituent pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude. Et Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Jinn, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit: il m'a été révélé qu'un groupe de djinns ont entendu ce Coran et ils ont dit: nous avons certes entendu un Coran étonnant. Voici quelques versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala cite de nombreuses caractéristiques du Coran afin que cela nous montre l'importance de ce Coran et l'immensité de et l'immense place qu'il a dans le cœur des musulmans et dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que nous lui donnions l'importance qui est la sienne et que nous nous comportions de la meilleure des façons lorsque nous le lisons et lorsque nous l'apprenons et lorsque nous lisons le Coran, de le lire avec humilité, de le lire avec concentration, de ne pas le lire avec l'esprit éloigné. Voici le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le Coran qui, à travers les siècles, a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce Coran dont le défi est toujours d'actualité. Allah azza wa jal défie quiconque qui pourrait apporter un Coran semblable. Puis le défi a été abaissé, à savoir d'apporter 10 sourates. Ils ont été incapables d'apporter 10 sourates semblables au Coran. Puis ce défi a été abaissé à une sourate. Et ils ont été incapables d'apporter ne serait-ce qu'une sourate similaire ou semblable au Coran. Et ce défi a été abaissé à un seul verset. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a été capable d'apporter un verset qui ressemblerait au verset du Coran. Car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui émane du Seigneur de l'univers. Ceci doit être clair dans l'esprit des musulmans. Cette croyance doit être ferme dans le cœur de chaque musulman et musulmane. Et ne pas prêter attention à tous ceux qui voudraient remettre en question l'authenticité du Coran ou de vouloir en faire baisser la valeur qui est la sienne auprès des musulmans et de la religion musulmane. Que cela provienne des non-musulmans, que les critiques viennent de ces non-musulmans qui, comme on l'a vu récemment, écrivent des choses immondes sur le Coran et se réunissent pour proclamer leur condamnation du Coran et des paroles profanes et immondes qu'ont écrit leurs mains, wal'iyadu billah. Ils ne savent pas que le Coran a été attaqué depuis de nombreux siècles et ces attaques n'ont fait que renforcer la croyance des musulmans vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurah. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah fait en sorte que sa lumière persiste. Que ces personnes écrivent ce qu'elles veulent, qu'elles disent ce qu'elles veulent, la parole d'Allah Azza wa Jal restera prédominante. Et le Coran sera pour les musulmans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole d'Allah qui est au-dessus de toute autre parole. Après avoir pris conscience donc de cette importance du Coran, nous devons maintenant apprendre à le lire et connaître les comportements que l'on doit adopter lors de sa lecture. Tout d'abord, min adab at-tilawati ikhlas an-niyyah lillah. لأن تلاوة القرآن من العبادات الجلية كما سبق بيان فضلها. Tout d'abord, de faire preuve de sincérité lorsque l'on lit le Coran. Car la lecture du Coran est une adoration. Et pour qu'une adoration soit acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'elle soit tout d'abord sincère et il faut que cette lecture soit conforme aux directives de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'adorer et de lui vouer un culte exclusif. Fad'u Allah mukhlisin lahu ad-din. Invoquez Allah en lui vouant un culte exclusif. Et il dit Azza wa Jal, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en toute sincérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et jugé bon par l'Albani, اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. Il dit عليه الصلاة والسلام, lisez le Coran et recherchez à travers sa lecture la face d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que ne vienne un peuple يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ qui le liront comme l'on tend une flèche dans son arc. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous montrer que viendra un peuple qui liront le Coran comme l'on prépare une flèche dans son arc. Celui qui arme une flèche dans son arc, est-ce qu'il est précis dans ses gestes? Il est précis dans ses gestes. Il place sa flèche, il tire la flèche pour tendre la corde et il vise sa cible. Il est donc minutieux dans cette opération qu'il accomplit. Ici, le professeur Hassam a voulu dire que des personnes vont venir qui liront le Coran comme il se doit. Leur lecture sera belle, leur lecture sera plaisante à être écoutée. Ils liront le Coran en respectant les règles de lecture. Mais il dit alayhi salatu wassalam, yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. C'est-à-dire que certes leur lecture sera belle et plaisante à écouter, mais elle n'est pas sincère. Elle ne sera pas sincère et ce qu'ils voudront de cette lecture, c'est le profit de cette vie d'ici-bas. C'est le profit de cette vie d'ici-bas, soit pour qu'on leur dise « Masha'Allah, tu es un bon lecteur » ou soit pour un intérêt uniquement financier et mondain. « Wa la yata'ajjaluna » c'est-à-dire qu'ils ne lisent pas le Coran en espérant la récompense de l'au-delà. Mais ils veulent une récompense précipitée, une récompense immédiate que sont les biens mondains. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à, lorsque nous lisons le Coran, de lire le Coran avec sincérité. Et dans le hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les trois qui seront précipités en enfer, parmi eux, le lecteur. Car il lisait pour que l'on dise « Fulanun qari wa qad qil » un tel est un lecteur du Coran et effectivement cela avait été dit. Donc la sincérité est le premier comportement à avoir lorsque l'on lit le Coran. « Wa min adabiha an yuqra'a bi qalbin hadirin » يَتَدَبَّرُ مَا يَقْرَأُ وَيَتَفَهَّمُ مَعَانِيهِ. Ensuite, celui qui lit le Coran doit le lire avec un cœur présent, doit lire le Coran en méditant ses sens et en comprenant ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans ses versets. Lorsqu'il lit, il lit avec un cœur humble, avec humilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il lit, il doit avoir à l'esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à lui. lorsqu'il dit Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru, lorsqu'il dit Ya ayyuhal nas, ô vous les gens, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Ô vous les gens, une exhortation vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Lorsque tu lis ce verset, et tu sais, et tu as l'esprit que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, tu as l'esprit qu'Allah Azza wa Jal s'adresse à toi. Ce n'est pas un être humain qui s'adresse à toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Lorsque tu as un rendez-vous avec une personne importante, tu vas écouter attentivement ce qu'il va te dire. Que dire lorsque c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, qui s'adresse à toi? Cela doit avoir un effet sur toi. Et la lecture du Coran doit faire en sorte que ta foi augmente et que ta crainte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala soit à chaque fois plus grande. ومن آدابها أن يقرأ على طهارة لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. Parmi les comportements adoptés lors de la lecture du Coran, ce Coran que nous lisons beaucoup pendant le Ramadan, il y a le fait de lire le Coran en état de pureté, de faire ses ablutions lorsque tu lis le Coran. Car tu ne lis pas la parole de n'importe qui, tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dois de te préparer et d'être dans ton meilleur état lorsque tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils allaient dans leurs assises pour enseigner les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'embellissaient. Ils mettaient leurs meilleurs vêtements, ils se parfumaient, car allaient sortir de leur bouche les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils allaient citer et qu'ils allaient expliquer à leurs élèves. Que dire de la parole d'Allah Azza wa Jal? Lorsque tu lis le livre d'Allah, fais tes ablutions et lis le Coran en état de pureté. Et de ne pas lire le Coran lorsque l'on est impur, notamment là, l'état de grande impureté. Et celui qui n'a pas la possibilité de se laver, qu'il fasse le tayammum. ومن أدابها أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المستقذرة. Parmi les comportements lors de la lecture du Coran, de ne pas lire le Coran dans des endroits sales, dans des endroits impurs, ou de lire le Coran dans des endroits dans lesquels on sait qu'il ne sera pas écouté. Car le fait de lire le Coran dans un endroit où il y a des gens qui ne l'écoutent pas, qui n'écoutent pas sa lecture, mais vaguent dans leur discussion et dans leurs paroles futiles, sans prêter attention à celui qui lit le Coran, ne lit pas le Coran dans une assise comme celle-ci. Car de lire le Coran et que, à proximité des gens, ne l'écoutent pas et n'y prêtent pas attention, cela revient à dénigrer ce Coran et à ne pas lui donner l'importance. Cela revient à manquer de respect vis-à-vis de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous ordonne, lorsque l'on lit le Coran, d'écouter la lecture. D'écouter sa lecture. Lorsque tu entends la parole d'Allah Azza wa Jal qui est lue, tais-toi et écoute. Ne parle pas. Si tu es dans ta voiture et que tu mets le Coran et que ton téléphone sonne, tu choisis. Soit tu réponds et tu éteins la lecture, ou soit tu ne réponds pas et tu continues à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de mettre le Coran comme une lecture ou comme un bruit de fond, wal'iyadu billah, cela est un manque immense de respect envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, Allah Azza wa Jal l'a révélé afin que nous le méditions, afin que nous en comprenions l'essence. Le Coran n'est pas un bruit de fond dans une pièce ou dans une voiture. Le Coran n'est pas également des lettres ou des tableaux avec lesquels on embellit nos maisons. Non, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jalla a révélé pour être méditée, pour être mise en pratique. De ne pas lire le Coran dans les endroits sales comme les toilettes ou les salles de bain ou autres, qui sont des lieux dans lesquels les saletés y sont présentes ou y sont déversées. ومن أدابها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. Également parmi les comportements lors de la lecture du Coran ou avant la lecture du Coran, c'est le fait de demander la protection d'Allah contre le diable lapidé. Ceci avant de lire. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran, demande la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable lapidé. Tu demandes la protection d'Allah contre le diable, car ce diable va faire en sorte de te détourner de la lecture d'Allah, de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu as entamé la lecture du Coran, le diable va faire en sorte de te détourner et de faire en sorte que cette lecture que tu viens d'entamer, eh bien, tu vas la délaisser ou tu ne vas pas la terminer. Toi qui avais l'intention de prendre ton mushaf et de lire un ou deux hizb, le diable va faire en sorte de te détourner et de faire en sorte que tu sois occupé à faire autre chose. Tu reçois une notification sur ton téléphone alors que tu es en train de lire le Coran et tu regardes, c'est un message et tu réponds et on te répond et voilà, tu dois partir parce que on t'a appelé ou tu as une chose à faire et tu as délaissé la lecture du Coran. Lorsque tu lis le Coran, mets ton téléphone en mode avion pour ne pas être dérangé. Ferme toute porte du diable qui pourrait s'ouvrir vers toi. Tu as un objectif dans ta lecture du Coran, eh bien fais cet objectif. Et comme je le dis souvent aux frères, oui, mais des fois il y a des urgences. Et s'il y a des urgences, tu fais le 112. Une personne qui a une urgence, elle appelle les pompiers, elle appelle le SAMU. Ce n'est pas parce que tu es indisponible pendant une heure que la terre va arrêter de tourner. Il faut arrêter de croire toujours que l'on est le centre de la terre et que l'on doit être disponible et joignable 24 heures sur 24. Et pendant une heure, si tu es injoignable, tu as l'impression que la terre va s'effondrer. Et taqillah, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et connaître la valeur de nos personnes. Ces appareils, ces téléphones, ces tablettes, etc., il y a à peine 5-6 ans qu'elles existent. Comment faisaient les gens pour vivre avant lorsqu'ils n'avaient que des téléphones fixes? Et comment faisaient-ils avant pour vivre lorsqu'ils n'avaient ni téléphone fixe ni téléphone portable? C'était des lettres qu'ils s'envoyaient, il fallait une semaine, deux semaines pour qu'elles arrivent à destination. Est-ce que cela les a empêchés de vivre convenablement? Est-ce que cela les a empêchés d'apprendre la science? Est-ce que cela les a empêchés de lire le Coran? Est-ce que cela les a empêchés de nourrir et de subvenir aux besoins de leur famille? Non, absolument pas. Donc il faut arrêter de penser que nous devons être connectés H24. Non, il y a des priorités. Et lorsque tu lis le Coran, ferme les portes du diable. Et je suis sûr que si je posais la question à l'un d'entre vous qui a commencé à lire le Coran et qui, pendant sa lecture, a été interrompu 5-6 fois, 7 fois, parce qu'il a consulté 7-6 fois son téléphone portable. Soit un appel, soit un message, soit une notification, soit ci, soit ça. Et sa lecture est une lecture entrecoupée, une lecture dénuée de concentration et dénuée de méditation. Donc de dire « A'udhu billahi minash shaitan irrajim » lorsque tu t'apprêtes à lire le Coran. Quant à la basmala, le fait de dire « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », tu le dis lorsque tu entames une sourate du Coran. Lorsque tu entames une sourate du Coran, hormis sourate At-Tawbah, car sourate At-Tawbah ne commence pas par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». ومن أدابها أن يحسن أن يحسن صوته بالقرآن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. Parmi les comportements lors de la lecture du Coran, de lire le Coran avec une belle voix, d'embellir sa voix lorsque l'on lit le Coran, d'avoir une voix mélodieuse, de psalmodier le Coran. Et la preuve est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'a pas entendu une chose comme lorsqu'il entend un prophète qui a une belle voix et qui lit d'une façon mélodieuse le Coran et élève sa voix dans sa lecture. Et ici, le Coran ici qui est voulu, c'est le livre, ce qui est lu. Car chaque prophète lisait le livre qui lui a été révélé. Or le Coran a été révélé à qui ? Entre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et non au prophète précédent. Et la définition linguistique de le Coran est ce qui est lu. C'est ce qui est lu. Donc ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas entendu une chose plus belle que la lecture d'un prophète qui lit son livre en embellissant sa voix et en haussant sa voix dans sa lecture. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. Et dans le hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, le hadith de Jubair ibn Mut'im, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Jubair ibn Mut'im, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter sourate At-Tur pendant la prière du Maghrib, et je n'ai jamais entendu quelqu'un lire avec une voix aussi belle que celle que la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là-bas, c'est que l'on lit le Coran en embellissant notre voix et en élevant notre voix. Par contre, s'il y a autour du lecteur des personnes qui pourraient être dérangées par une lecture à voix haute, comme une personne qui dort ou une personne qui prie à proximité de toi, alors dans ce cas, tu ne dois pas élever ta voix au point de déranger ceux qui sont à proximité de toi. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. Car le prophète صلى الله عليه وسلم est rentré et a vu des gens qui priaient et qui lisaient le Coran à voix haute. Puis il a dit, alayhi salatu wassalam, quant au prieur, il s'adresse à son Seigneur. Quant au prieur, il s'adresse à son prieur. Que l'un d'entre vous ne lise pas le Coran à voix haute au point de déranger l'autre. Lorsque tu es à la mosquée et que plusieurs personnes lisent le Coran, si une personne lit le Coran à voix haute, va-t-il déranger les autres personnes ? Oui, car il y a des personnes qui ne peuvent pas lire le Coran s'il y a une autre lecture à côté d'eux. Cela va les emmêler dans leur lecture. Ainsi, lorsque tu es seul, oui, tu lis. Ou lorsque tu es dans un endroit où tu es le seul à lire, tu peux lire en élevant ta voix. Mais lorsqu'il y a plusieurs personnes qui lisent le Coran dans une même pièce, ou dans une même mosquée, ou lorsqu'il y a une personne qui prie et le fait que tu élèves ta voix dans ta lecture du Coran va le déranger dans sa prière, alors abstiens-toi de le faire. Et lis le Coran de façon à voix basse ou à voix haute, mais au point de ne pas déranger ceux qui sont à proximité de toi. ومن آدابها أن يرتل القرآن ترتيلا لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Également parmi les comportements dans la lecture du Coran, le fait de lire le Coran de façon posée et de ne pas lire le Coran d'une façon rapide. Car le fait de lire le Coran posément, cela est plus propice à la méditation et à la compréhension des sens du Coran, et de lire chaque lettre comme il se doit. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وسئلت أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Anas ibn Malik رضي الله عنه a été questionné au sujet de la lecture du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il a répondu كانت مدا, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait les moudoud dans sa lecture. Je ne sais pas comment on traduit le med, les prolongations. Naam, les prolongations. Et dans le ilm du tajwid, les huruf al-moudoud, c'est le alif précédé d'une fatha, le waw précédé d'une dhamma et le ya précédé d'une kasra. Qala yaqulu qila. Il y a des moudouds à respecter, il y a plusieurs sortes de moudouds. Il y a des moudouds avec 6 temps, 5 temps, 4 temps. À Kulihal, cela revient à la lecture, à la science du tajwid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa lecture, il y avait des prolongations. Respecter les moudouds alayhi salatu wa salam. Lorsqu'il disait Bismillahir Rahmanir Rahim, il faisait le mad Bismillahir Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Et Umm Salama radiallahu anha, lorsqu'elle a parlé, lorsqu'elle a été questionnée sur la lecture du prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran verset par verset. Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Il lisait verset par verset عليه الصلاة والسلام. Et il n'y a pas de mal à lire d'une façon rapide, à condition que cette lecture rapide n'implique pas de falsification dans le sens. Et le fait que de lire vite ne t'amène pas à ne pas prononcer des lettres. Tu peux lire vite pour avoir le plus de récompenses dans un laps de temps le plus court, à condition que ta lecture soit raisonnable et que tu ne prononces pas le Coran en oubliant de lire des lettres ou en faisant des idrams et qui amène à changer le sens du Coran. Car si ta lecture t'amène à ne pas lire des lettres ou à lire et que dans ta lecture du Coran cela devient incompréhensible, cela devient alors interdit, car cela est assimilé à une falsification du Coran. Tu n'auras pas lu le Coran comme il a été révélé, mais tu as lu en oubliant des lettres ou en ne prononçant pas des lettres, tellement ta lecture est rapide. Et le fait de lire vite, comme je l'ai dit, n'est pas interdit. Cela est même parfois recommandé, comme celui qui lit pour apprendre le Coran. Quand on te dit, voilà, pour apprendre cette page, ou ce hizb, ou ce robot, ou ce thumun, tu dois le lire 60 fois, 70 fois, 100 fois. Si tu commences à lire ton robot en prenant ton temps et en respectant tous les mots d'aude, etc., cela va te prendre un temps immense. Donc le fait de lire vite, mais de façon correcte, est parfois recommandé. Et parfois recommandé lorsque tu veux, par exemple, pendant le Ramadan, finir la lecture du Coran entièrement plusieurs fois. Pour cela, tu as besoin de lire de façon un peu plus rapide que d'habitude. Donc, lorsque cela est justifié, il n'y a pas de mal, à condition de ne pas altérer les mots du Coran et ses sens. ومن أدابها أن يسجد إذا مر بآية السجدة وهو على وضوء في أي وقت كان من ليل أو نهار. Également, parmi les comportements à voir lors de la lecture du Coran, il y a le fait de se prosterner lorsque tu lis un verset où il y a une prosternation, et d'être en état d'ablution lorsque tu te prosternes. Et tu as le droit de le faire à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Lorsque tu lis un verset où il y a une prosternation, tu fais le takbir. Donc, il y a deux cas de figure. Soit tu lis le Coran et tu es en état de prière, ou soit tu lis le Coran, tu n'es pas en état de prière. Tu es assis à la mosquée et tu lis ton mushaf. Tu arrives à un verset comportant une prosternation, tukabbir, tu dis Allahu Akbar. Puis tu te prosternes et tu dis Subhana Rabbi al-A'la, et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu te relèves du sujoud, tu ne fais pas le takbir. Tu te relèves sans faire de takbir et sans faire de salam, sans saluer à droite ou à gauche, car cela n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ça, c'est le cas de figure dans lequel tu n'es pas en prière. Lorsque tu lis le Coran en état de prière, lorsque tu pries et que tu lis le Coran, et que tu arrives à un verset où il y a une prosternation, alors dans ce cas, tu diras Allahu Akbar au moment où tu te prosternes, et tu diras Allahu Akbar au moment où tu te relèves de ta prosternation. Et la preuve est le hadith d'Abu Hurayrah radiallahu anhu, qui informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir à chaque fois qu'il s'abaissait et à chaque fois qu'il se relevait alayhi salatu wa sallam. Que Abu Huraira radiallahu anhu faisait cela. Abu Huraira radiallahu anhu faisait le takbir à chaque fois qu'il s'abaissait ou qu'il se relevait dans sa prière, et il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ainsi. Le hadith est rapporté par Muslim dans son sahih. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait le takbir, disait Allahu Akbar à chaque fois qu'il se relevait, à chaque fois qu'il s'abaissait, à chaque fois qu'il se mettait debout et à chaque fois qu'il s'asseyait alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire pendant la prière, que ce soit avant le recours, lorsque l'on se lève du recours, avant de se prosterner, en se relevant de la prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le takbir. Et ceci a été rapporté de façon générale dans la prière du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci inclut donc la prosternation de la lecture. La prosternation de la lecture pendant la prière, tu fais le takbir avant de te prosterner et après t'être relevé de ta prosternation. هذا بعض آداب القراءة التي علينا أن نتأدب بها وأن نحرص عليها وأن نبتغي بها من فضل الله سبحانه وتعالى. Voici quelques comportements que se doit d'adopter celui qui lit le Coran. Nous devons donc appliquer ces recommandations et ces comportements en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ceci, car tout ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un bien pour nous, et cela nous sera bénéfique dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.